Marcel Schwab. 16e siècle, les sacrilèges, les boutefeux. L'année devant que le roi fut pris à Pavie, il y eut par le monde de grandes terreurs. Car le jour de la Saint-Sylvestre au soir, entre 9 et 10 heures, le ciel devint couleur de sang, et il semblait qu'il fût ouvert. Toutes choses étaient illuminées par une lueur rouge. Les animaux baissaient la tête et les plantes étaient couchées à terre. Puis il y eut un souffle de vent, et on vit au firmament une grande comète. Elle avait la figure d'un dragon flamboyant ou d'un serpent de feu. Et peu après, elle alla vers les fossés de Saint-Denis, et on ne la vit plus. Mais le même soir, passé minuit, les gens étant couchés déjà l'espace de 4 heures, parce que, au mois de décembre, les soirées sont longues, on entendit un émoi par les rues. Et bien y avait-il de quoi s'émouvoir, car des messagers venus de Troyes en Champagne disaient que la ville était presque toute brûlée. Or, ils parlaient ainsi dans la nuit, sur la place de Saint-Jean-de-Grève, devant l'église. Des petits garçons qui dormaient encore tenaient leurs chevaux, et leurs ceintures, leurs épées, leurs éperons luisaient aux lanternes. Ils dirent que le feu durait depuis 2 jours. Le marché au blé était brûlé, et la rue du Beffroi avec la grosse cloche fondue, et les tapes au vin, et l'hôtellerie du Sauvage, où on mangeait andouilles fermes et grasses, avec vin clairé. Les boutefeux avaient tout allumé, de leur mixtion infernale, qui était de poudre à canon, avec du soufre et de la poix. Personne n'avait pu les voir ou les saisir, et il était à présumer qu'ils étaient de Naples, et qu'ils allaient en grand mystère brûler toutes les bonnes villes du royaume. On disait, environ la Noël, que Paris était plein de marabouts italiens qui prenaient les petits enfants secrètement et les tuaient pour en avoir le sang. Et semblablement, ces boutefeux étaient de la même secte et confession. Le prévôt et les échevins, vêtus de leurs robes mi-parties, avec les conseillers de la ville, cartonniers, sergents, archers, arbalétriers, et aquebutiers avec leurs hoquetons sortirent incontinent portant des falots. Et aussitôt fut enjoint et déclaré publiquement qu'on mènerait le guet de nuit par les rues, ce qui fut fait. Et le lendemain on conduisit au gibet un homme inconnu, dont il semblait à un tavernier de la rue Saint-Jacques qu'il eût renié Dieu, et qui ne voulut rien dire devant le lieutenant de la prévôté, ni devant le parlement. Il fut monté sur une mule depuis la conciergerie, bonnet en tête, vêtu d'une robe de drap frisé, de couleur tannée ou enfumée, avec un saillon de camelot, et on fit son cri en 3 fois, devant les gens du guet, à cheval ou à pied, et le peuple de Paris. Lui fut baillé pain et vin devant l'église des filles Dieu, comme de coutume. Et on lui donna dans la main une croix de bois, peinte de rouge. Puis lui fut son bonnet ôté, pour qu'il montât au gibet tête nue. Et cette exécution rendue au plaisir de notre Seigneur, on fit diligence la nuit avec falots, lampes et chandelles, pendus aux portes et groguait à pied et à cheval de 500 ou 600 hommes de la ville. On ne savait où aller de peur. La coutume n'étant pas d'avoir les rues et ruelles éclairées, Les porches, en brasure et coulés de pierre, semblaient plus noirs. Et tantôt il y passait des archers qui secouaient leurs torches. Les lumignons brillaient aux petits carreaux après le couvre-feu, qui était grande nouveauté. Les images de Notre-Dame étaient illuminées d'un falot, avec garde spéciale, certain d'une secte hérétique ayant mutilé les saintes images en divers lieux. Le lendemain, on dit par les rues et dans les boutiques, mêmement chez les barbiers, qu'il était entré dans la ville 4 ou 6 hommes que l'on ne pouvait reconnaître, car ils changeaient tous les jours d'habillement. Une fois, ils étaient vêtus en marchand, une autre en aventurier, puis en paysan. Parfois, ils avaient des cheveux sur la tête, et parfois, ils n'en avaient pas. Et toutes gens dirent qu'ils guetteraient curieusement ces hommes, étant certains qu'ils n'étaient autres que les boutefeux, venus à grand mal et danger. Mais quelque diligence qu'on eût, au soleil levant, plusieurs maisons furent retrouvées marquées de grandes croix de Saint-André noir, qui avaient été faites, la nuit, par des gens inconnus. Toute la ville était perdue, et, de par le roi, le cri fut fait à son de trompe, par tous les carrefours, que les aventuriers, gens de peu, faux mendiants et traîneurs de rue, vidassent les lieux, sur peine de la hare. Plusieurs gens du commun fuyaient devant les crieurs, et à la fin, il y eut une troupe qu'on mit dehors sur la grande route, par la porte Baudoyer. Parmi ce menu peuple, il y en eut 3, Collard de Blangy, Tortigne du Mont-Saint-Jean et Philippot Leclerc, qui, doutant de la rigueur de la justice royale, restèrent sur la route, hors de la ville. Ils étaient d'assez pauvres renommées, mais plus mauvaise mine, et craignaient, le peuple étant inquiet et soulevé par la terreur des boutefeux, d'être meurtri par les rues. Et ils n'avaient pas non plus conscience blanche pour divers testons et florins aux chats frappés à coins non pas royaux et dont ils avaient échappé bien difficilement à être bouillis sur le marché aux pourceaux. Ces galants, donc, après avoir été sur les champs quelques jours en ça, commencèrent à souffrir de faim, soif et froid. D'autant que le pays étant en friche et les oiseaux tombant morts par la gelée, ce qui était resté, il n'y avait ni fruits de la terre ni gibier du ciel. Alors les galants mirent bâton au poing et marchèrent de façon guerrière, disant qu'ils allaient aux guerres du roi ou autrement dans les marches de Guyenne et qu'ils étaient contraints, pour manque de solde, de vivre sur le plat pays et les passants. « Il est si vrai, disait Tortigne, que je vais en guerre, qu'il me court sur les talons 25 gens du guet, archers ou arbalétriers, ou autrement je faux, et ils n'ont point d'autre but que de me joindre et de marcher avec moi ou moi avec eux. Ce sont gens fort polis et prévenants. Ils m'ont déjà fait asseoir dans des chaises, de façon très commode, qu'ils ont et qu'ils nomment cèpes. N'as-tu point, dit Collard, été tourné au pilori? C'est une mode nouvelle de choisir femme. Elles vous viennent regarder, et Messire le Valet vous tourne vers la figure de chacune d'elles. Un signe réjouissance, reprit Philippot, j'y fus 3 fois, et la dernière, j'avais choisi une dame de bonne façon, vêtue à la mode espagnole. Elle avait sur elle un ciel d'or frisé, en tête une crépine de drap, faite de papillons d'or. Où étaient ses cheveux, qui lui pendaient par derrière, jusqu'aux talons, entortillés de rubans. Un bonnet de velours cramoisi, une robe du même, doublée de taffetas blanc, bouffant aux manches au lieu de la chemise, les manches couvertes de broderies d'or. Sa cotte était de satin blanc, forcée d'argent battu, avec nombre de pierreries. « Es-tu eu le loisir, dit Collard, d'examiner et tenir en mémoire ces divers habillements? Tu mens, par la sanglante mordieu. »« Voir, répondit Filippo, et ne jure qu'à bon escient, car le valet du bourreau m'arrêta devant la dame, de grande diligence, afin que le page de cette belle dame de mon choix et volonté pût me cracher commodément dans la figure. » Ainsi devisant dans leur gale et plumant la poule sans crier, ils vinrent sur les basses marches du Poitou. Là, ils contrefirent les hommes de guerre jusqu'en une église paroissiale près de Niort. Ils entrèrent, criant et jurant. Le prêtre disait une messe basse, vêtue de son aube. Ils prirent les vases de cuivre, d'étain et d'argent, quoi qu'il pût leur dire. Puis ils lui commandèrent de monter chercher le Saint-Ciboire, au moins la coupe, qui était d'argent doré, ce que le prêtre refusa. Sur quoi Tortigne lui attacha son aube sur la bouche, tandis que Filippo prenait le Saint-Ciboire sur l'autel. Et, trouvant dans la coupe le Corpus Domini, ils le mangèrent solennellement tous trois, prétendant avoir faim, et qu'ils communiaient et se remettaient le péché qu'ils venaient de commettre. Puis ils descendirent dans une auberge basse, où l'on tournait bride à la fourche des deux chemins. Mais, voulant boire, Collard vomit le vin. Tortigne resta comme étonné, son verre dans la main, et Filippo laissa choir le sien. Ils devinrent fort blancs, et, disant qu'ils étaient sous de ce qu'ils avaient mangé à l'église, ils tombèrent autour de la table en diverses façons. Et, tout à coup, on vit que des fusées de fumée grise, épaisses, puantes, jaillissaient de la gorge de Collard, du dos de Tortigne, du ventre de Filippo. À quoi l'on aperçut qu'ils brûlaient, et bientôt ils furent entièrement consumés, leurs figures et leurs membres étant noirs comme du charbon. Ce qui fut commenté par les gens du pays de manière variée. Mais il est hors de doute que ces trois galants, ayant été marqués pour être punis à cause des boutements de feu, tombèrent, par grâce divine, dans leur sacrilège, car ils furent brûlés. Thank you.